Le président syrien Bachar al-Assad a fait parvenir le Saint-Coran un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Le destinataire a formulé ses félicitations chaleureuses au camarade Kim Jong-un à l'occasion du 69e anniversaire de la fondation de la République Populaire Démocratique de Corée. Il lui a souhaité santé et bonheur et de plus grands progrès et prospérité au peuple coréen. Il s'est exprimé convaincu du développement continu des relations d'amitié et de coopération avec la Corée, conformément aux intérêts communs des peuples de deux pays amicaux. Finalement, il a formulé son hommage le plus sublime au dirigeant suprême coréen.